une petite chanson qui m'a été inspirée par une recherche de travail intensive. Cette chanson s'appelle « Lettre de motivation ». Mais elle s'écrit L apostrophe « Être de motivation ». Vous pouvez applaudir le jeu de mots. Cette chanson, bientôt, sur le web, a priori pour l'année 2011, début janvier. Vous pourrez la voir sur internet en clip, le clip donc « Lettre de motivation ». Voilà. Maintenant, on va la chanter. Merci. Mademoiselle, j'ai l'honneur et le plaisir de me présenter à vous pour postuler pour vous dire que je recherche chez vous une place à temps plein dans votre tête, votre cœur et dans vos draps de satin. La soupe à les CDD, je me dévoue à vous dans la précarité de l'amour de nos jours. Il serait bon de compter sur vous sans compter, sans détour. Durée indéterminée, sans faute et sans retour. Je ne veux plus subir de restructuration. Il ne veut plus. Plus cette logique du pire, moi je suis un homme d'action. Je veux m'intégrer à votre vie et pointer s'il le faut. J'aime le travail d'équipe avec vous en duo. Je sais que vous menez une autre entreprise. Malgré tout, je voudrais que vous considériez que je suis prêt à donner mes forces à votre emprise. En heures supplémentaires, travail de nuit escompté. J'ai des qualifications, j'ai eu d'autres expériences. Ce métier est ma passion, cette passion est mon essence. Lisez donc mon CV avec le plus grand soin. Vous le voyez destiné à vos yeux et à vos mains. Avant de vous quitter, mademoiselle, je vous prie de bien vouloir agréer ces quelques mots jolis. Dans l'attente de votre réponse, que j'espère des plus heureuses, mes sentiments passionnés, mes salutations amoureuses. Alors qui m'engage ? Merci beaucoup. Merci.